Salut, salut, je m'appelle Jean-François, vous écoutez l'émission numéro 28 sur le Terminus. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, il va y avoir par exemple du Montoir, Pandorail, The Two Koreas et Valaise. On va commencer avec un groupe anglais qui s'appelle Chapel Club. Leur premier album Palace est sorti le 31 janvier dernier en Europe. La sortie en Amérique du Nord devrait avoir lieu ce printemps. En attendant, vous pouvez télécharger en ligne sur certains sites de vente d'MP3 l'album, ce que j'ai fait évidemment. J'ai déjà joué du Chapel Club à l'émission par le passé parce que quelques singles avaient été lancés au courant de l'année 2010. Certains d'entre eux qu'on retrouve d'ailleurs sur le nouvel album. Un son pour Chapel Club qui ressemble un peu à The Smiths, mais ils ont quand même réussi à produire un son qui leur est propre. On va entendre pour commencer After the Flood de Chapel Club. I remember coming out of that tunnel mine. Seeing highland low water, spring and sink before us. The pines hung like reconsidered suicide. In the red palms of mountain sides, preserved as a rhyme was preserved in stars. This was a long time ago. It doesn't matter. Quand tu seras monsieur, cela me contente. porte-bonheur de Peter Peter, qui sortait un premier album homonyme qui s'appelle donc Peter Peter au début du mois sur l'étiquette Audiogram. Vraiment une belle surprise que Peter Peter, qui offre de la bonne pop francophone un peu sombre, mais pas mal efficace. Dans le bloc qu'on entendait tout juste avant, The Joy Formidable, qui sont du pays de Galles et sont menés par l'énergique chanteuse blonde Reedy Bryan. Leur premier album, The Big Roar, est sorti en janvier et faut dire qu'il remplit pas mal les promesses qui avaient été faites suite à la sortie d'un mini-album en 2009. The Joy Formidable offre une espèce de mélange de shoegaze et de rock alternatif pas mal fameux. Le bloc avait commencé avec Chapel Club et After the Flood. On va poursuivre avec un autre groupe anglais, il s'appelle Yuck. Il pige sans gêne dans le grunge et le rock alternatif des années 90. Si vous aimez, ils seront en spectacle le 30 avril au Café Campus de Montréal. Voici Yuck avec Operation sur le Terminus. We'll be right back. crystal clear. In 26 weeks you will have earned enough days to take an afternoon out of here. The coffee's cold but your body's still warm, thanks to a handful of your favorite meds. Sit up right for 10 hours a day, you can't believe nobody thinks that you're dead. Old people to take your seat. You never bother to pack your own lunch, because to them you're just a piece of meat. You're too sick to ever call in sick, you're content to just ride out the string. But fall asleep on the kitchen couch, you can't wait for what tomorrow might bring. Well now you've never been caught with a hole in your pants, and I got forbid you ever shop second hand. Cause he reminds you of death. Only the past of the best sex you ain't had. See the sharks out on the rim. If you're not too careful, you'll learn how to swim. Soaked with last night's mistakes and regrets. Your parents send the love and your will to play along, just as long as they keep sending those checks. Well now you've never been caught with a hole in your pants, and a God forbid you ever shop secondhand. Take a long walk off the shore pier, it's the only way you get out of here. Now what I meant to say, it's coming out wrong. It's too many words and it goes on too long. Pays the workers to find a letter. C'était les Torontois de Two Choreas avec Majored in Swimming, extrait de leur troisième album Science Island qui est sorti au début du mois de mars. Tout juste avant ça, on avait du Montoir avec la chanson South Off, extrait de leur tout premier album Laura qui était lancé le 25 mars au Il Motor de Montréal. Pour l'instant, l'album est seulement disponible sur Internet et en spectacle. Il faut vraiment que je remercie Navet Confi pour la découverte de Montoir. Navet Confi a écrit vendredi matin, je crois, sur Twitter, « Oh », accompagné de l'adresse du groupe. Moi, j'ai répondu « Aïe aïe » parce que c'était vraiment ma première réaction à l'écoute de la musique de Montoir. Pour moi, c'est un petit peu sorti de nulle part. J'avais pas vraiment vu de promotion pour cet album-là, bien qu'ils avaient sorti un premier EP en 2009, qui était quand même passé inaperçu, je pense. Mais cette fois-ci, là, avec cet album-là, Laura, je pense qu'ils ont là-dessus vraiment quelques hits potentiels qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir vraiment être découverts. La très grande majorité des chansons est en anglais, mais elles contiennent parfois quelques phrases en français. Les membres du groupe, justement, sont tous francophones, je crois. Ils décrivent leur musique comme étant de la pop des années 90. Ça, c'est une filiation qu'on n'a vraiment pas fini d'entendre décidément. Alors voilà pour Montoir. On avait débuté ce bloc-là avec Yuck, la chanson Operation. On va poursuivre maintenant en musique avec un autre groupe de Montréal, il s'appelle Pandoraille, la chanson Rainbow pour mieux oublier. Все будет как всегда. Все будет как всегда. Без нас. Vous écoutez toujours le Terminus. On vient d'entendre dans l'ordre tout d'abord la formation montréalaise Pandorail avec Rainbow, entre parenthèses, pour mieux oublier, ferme la parenthèse. Ça, c'est une chanson qui annonce un mini-album qui devrait paraître ce printemps. Vous pouvez la télécharger sur le site Bandcamp du groupe, quelque chose comme pandorail.bandcamp.com. Sinon, cherchez. Ensuite, c'était Everything is Made in China, qui, malgré son nom, est un groupe de Moscou, en Russie. La chanson qu'on a entendue, en fait, je ne voulais pas prononcer le nom parce que c'est en russe, ça figure sur une compilation de reprises du groupe russe My Troll, où chaque groupe ou artiste réinterprète à sa façon une pièce du groupe. Ici, on a affaire à un réarrangement à la sauce post-rock qui est vraiment l'apanage de ce groupe-là. Everything is Made in China fait de la musique habituellement en anglais, alors c'était pas mal intéressant de vous faire jouer une chanson qui est dans leur langue d'origine. Et ça s'est terminé avec Chow Widow, qui sont du Texas et font selon eux dans le Stone Gaze. Eh bien, la chanson qu'on a entendue, School Highs, est extraite d'un nouvel album qui sort le 29 mars. Si ça vous intéresse, ils seront en spectacle le 1er mai au La Tulipe de Montréal. Alors, qu'est-ce que vous diriez si on retourne en musique avec un groupe de Montréal, Valleys, la chanson Ordinary Dream. Thank you. de mis venas. Me dijiste tantas cosas buenas y me hiciste olvidar. Thank you. Mordicus avec Plastic Melody, une chanson qui devrait figurer sur un premier album prévu cette année. Mordicus, ça c'est les anciens de Mockingbirds qui proposent maintenant du rock british, mais en français. Ils se sont rendus en finale du Festival international de la chanson de Granby l'année dernière, mais cette année, en début d'année, ils n'ont pas pu dépasser l'étape des préliminaires au concours des Francouvertes, malheureusement. Mais ça va être à suivre, Mordicus. Ensuite, ou plutôt avant Mordicus, on entendait Nudo Zurdo, la chanson Nu Ai Nadi, qui est extraite de leur dernier album, Synthetica, qui est sorti en 2008. Nudo Zurdo sont originaires de Madrid, en Espagne. Et le bloc avait débuté avec Valleys, la chanson Ordinary Dream, qui est extraite de Stoner EP, qui est sorti l'année dernière. On est pas mal rendu à la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire au info@leterminus.ca. Vous pouvez également suivre l'émission sur Twitter ou encore devenir ami avec l'émission sur Facebook. Avant de partir, on va écouter deux chansons. Il va y avoir Las Robertas, un trio féminin du Costa Rica qui est dans la même famille musicale que Best Coast ou Dum Dum Girls. Ça va être la chanson Street Feeling qui figure sur un mini-album qui est disponible gratuitement sur Internet qui s'appelle Cry Out Loud. Mais avant ça, on va entendre Morning Teleportation. J'ai d'ailleurs mis le clip de cette chanson-là Expanding Anyway sur le site de l'émission il y a quelques jours. On dirait qu'ils étaient sur la site, je pense, lorsqu'ils ont fait ce vidéoclip-là. Allez le voir si ce n'est pas encore fait. Alors, on va se quitter donc sur Morning Teleportation. C'est pas mal ça qui est ça. À bientôt! La la la.